Section 9 De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 17. Porte ouverte. Entre le mont et la côte d'Avranches, la mer est calme comme un étang, mais la traversée ne laisse pas de présenter quelques dangers en marée à cause des courants de surface et sous-marins qui se croisent dans tous les sens. Jeannin avait de bons bras et du courage. Au bout de quelques minutes, frère Bruno chercha en vain la barque dans la nuit. Il remonta vers sa loge en disant « Certes, elle avait de l'esprit comme quatre, et sans elle, Nicolas Fougeroux, son grand innocent de mari, n'aurait jamais fait fortune ». Il rentra dans sa cellule après avoir refermé la porte. Il resta un instant sans parler pour prêter l'oreille au bruit qui venait de l'intérieur du monastère. Les cloîtres étaient silencieux, les archers causaient et riaient dans la salle d'armes située au haut du premier escalier. « Il compte sur la marée pour être bien gardé, » pensa Bruno. « Il n'y aura que deux sentinelles et la nuit sera noire. » Il s'assit auprès de sa couchette et mit sa tête entre ses mains. « Pour m'être endormi un instant ce matin, se dit-il, j'ai vu feu le nain Fierabras en rêve. Si je ne faisais pas selon que je lui ai promis, qu'arriverait-il? Je sais plus de 100 histoires semblables qui toutes finissent mal. J'ai promis, je tiendrai. Le petit Jeannin me viendra en aide en cas de malheur. » La loge tourière avait deux compartiments dont le second servait de guérite en temps d'alerte. Frère Bruno se leva et ouvrit la porte battante qui séparait les deux cellules. « Pourront-ils se cacher tous là-dedans » grommela-t-il. 2 heures s'écoulèrent. Les bruits de la salle d'armes avaient cessé. Moines et soudards dormaient. Vers cet instant, la sentinelle qui veillait sur le rempart oriental crut entendre un bruit de rame au large. Elle regarda de tous ses yeux, elle ne vit rien. Le bruit s'affaiblit, puis cessa. Un moment après, la sentinelle crut ouïr un son de fer au bas de la rampe. Elle cria « Qui vive ?» On ne répondit point. Dans la nuit noire, des ombres glissèrent. La sentinelle épaula son arbalète et tira. Le carreau rebondit sur les pierres de la montée. La porte du monastère s'ouvrit. La sentinelle pensa « Ce vieux fou de frère Bruno court le guidou la nuit. Il se fera casser la tête une bonne fois. » On vint le relever. Il ne dit mot de son aventure. 2 heures encore se passèrent. La mer était basse. La lune, à son dernier quartier, se levait derrière les collines d'Avranches. Du haut des remparts, on put distinguer bientôt une masse noire qui traversait la grève. La masse grandit et se détacha. C'était une nombreuse troupe d'hommes d'armes. Le roi Louis XI, escorté de sa garde écossaise, fit son entrée au Mont-Saint-Michel vers 1 heure de nuit. Il demanda tout de suite des nouvelles de son très cher frère et bien-aimé cousin, le duc François de Bretagne. Au lever du jour, nous retrouvons frère Bruno debout et tout gaillard dans sa loge de tourier. Il était seul. Si quelqu'un durant la nuit s'était caché dans la guérite, nulle trace de ce fait ne restait. Il y avait eu, lors de l'arrivée du roi, grand remue-ménage. Pendant plus d'une heure, hommes d'armes et archers de la garde écossaise avaient encombré tous les passages. Quand ces embarras arrivent de nuit dans une forteresse, quelques intrus peuvent se glisser pourvu qu'ils aient eu d'avance l'entrée de la maîtresse-porte. « eh bien, se disait le bon frère en se frottant les mains, me voilà blanc comme neige. Sont-ils ici ou ailleurs? Je n'en sais rien, écoutez donc, n'ont-ils pas pu entrer avec le roi? Moi je ne connais pas tous les fainéants qui suivent le roi, je ne garde que la porte, les escaliers ne sont point à moi. S'ils sont tapis là-haut dans mon ancienne cellule, Arnibieux, j'en ai la conscience nette. » « Mauvais Normand, » reprit-il en riant et sans y mettre de fiel. « Normand toi-même, et là-bas. Avais-tu besoin de jurer Arnibieux pour dire cela ? Arnibieux n'est juré, mais si tu veux, mon bijou, mets-toi Arni tout court. Je te fais cette concession pour ne te point fâcher. Et tu comptes en être sorti à si bon marché ? Oui, ma fille, feu le nain d'année me donnera la paix puisque j'ai rempli ma promesse, et ni prieur ni abbé ne peut prouver maintenant que j'ai ouvert la porte à d'autres qu'au roi et à sa suite. Bon, bon, ne te vante pas trop. Tu as donc oublié l'histoire du barbier du roi Midas. Je n'ai jamais su cette histoire-là. Veux-tu que je te la conte ? Avec plaisir. Le roi Midas. Ici, frère Bruno se raconta fidèlement à lui-même l'histoire du roi Midas et de son barbier, qu'il avait oublié. Il se raconta cette histoire afin de se prouver que les choses les plus cachées peuvent être découvertes. « Le roi Louis est comme Midas, » dit-il ensuite en riant. « Il a un barbier. Prends garde, malheureux. Je sais à qui je parle. Tu ne voudrais pas me mettre dans l'embarras. D'ailleurs, je n'ai pas dit que le roi eut des oreilles d'âne. » Il mit ses coudes sur ses genoux et prit un air confidentiel. « Tu ne sais pas ? » dit-il en baissant la voix. « Quoi donc ? Tu vas rire, si tu aimes les bonnes aventures. C'est moi qui ai porté le vin au roi cette nuit, parce que frère Martin dormait. Après, j'ai vu le roi. Est-il possible qu'il y ait des gens pour être sujets à de pareilles manies ? Devine ce que le roi faisait. Dis-le, je le saurai. » Le roi causait. Avec qui ? Frère Bruno éclata de rire et dit parmi les hoquets convulsifs de sa gaieté : Avec le roi, mon trésor. Le roi causait avec le roi. Il se tordait sur son escabelle. Ah ça ! S'écria-t-il tout à coup en cessant de rire. Tu trouves donc cela bien divertissant ? Dame, songe donc, un homme qui cause tout seul ! Tu ne t'es pas aperçu, mon vieil ami, que tu fais avec toi-même des conversations de 2 heures ? Moi ! Se récria Bruno, piqué au vif. Toi-même ! Répliqua Bruno sévèrement. Je t'y ai surpris 20 fois, et je t'engage à plus de charité. Fais-moi le plaisir de t'aller coucher. Bruno baissa l'oreille et gagna son lit en pensant « Vieux coquin, je te revaudrai cela !» 1 heure de bon sommeil le guérit de sa rancune, et quand il se leva, tout fiel avait disparu. Ils causèrent tous deux, Bruno et lui, comme 2 excellents camarades, jusqu'au moment où on sonna la réfection, et ils furent d'accord pour se dire « Mon ami, je crois qu'aujourd'hui nous allons en voir de belles. » Chapitre 18. Les chevaliers de Saint-Michel. Le roi causait tout seul. Le roi était en face de ses parchemins dépliés. Il écrivait, il raturait, il parlait. L'image de Saint-Michel était devant lui sur la table, comme la veille, dans sa tente. La salière manquait, le roi se défiait désormais de sa salière. « J'ai cru, se disait-il, que Monseigneur Saint-Michel inspirerait aux mécréants la mauvaise pensée de mettre à mort mon cher frère. Je l'eusse vengé en faisant tomber la tête du mécréant et l'ordre du Saint-Archange n'eût point été souillé par l'intromission de ce noir païen. Nous aviserons à faire pour le mieux. » Il trempa sa plume dans l'écritoire. L'article 3, poursuivit-il, est en l'honneur de l'Archange. Il oblige à porter l'image en tout temps, en tout lieu. J'espère que le grand bienheureux me saura gré de cette attention. Je passe à l'article 8, qui est entre tous important et grave. Les chevaliers ne peuvent entreprendre aucune guerre, ni autres hautes et dangereuses besognes, sans le faire savoir par avance à la plus grande partie des 10 chevaliers. J'avais écrit d'abord « sans le faire savoir au roi », dit ici Louis XI. C'est la même chose, et cela peut faire ombrage, d'autant que l'article 9 porte « les chevaliers ne peuvent entreprendre guerre ni lointain voyage sans les congés et licences du roi. Est-ce suffisant pour museler le monstre ? Le monstre briserait avec ses dents un mort qui maladroitement le serrerait. » C'était une grande chambre voûtée, au centre de laquelle tombait une clé à 6 pans, guillochée à jour. Depuis le premier voyage de Louis XI, on la nommait la chambre du roi. Les boiseries noires sculptées portaient aux 4 côtés l'écusson de France. Les premiers rayons du crépuscule, passant au travers des hauts châssis à vitraux, pâlirent la lampe et jetèrent de fantasques reflets à la face bilieuse du souverain. Il travaillait et ne s'occupait point de savoir si c'était la lampe ou le jour qui éclairait son travail. Matines sonnèrent, il se signa par habitude et continua de travailler. Vers 5 heures, la porte s'ouvrit doucement, et maître Olivier Ledain, qui avait le pied doux et furtif comme les chats, entra sans produire aucun bruit. Il portait à la main les guerres et le bassin d'argent. Sous son bras gauche était la boîte à rasoir. Il passa derrière le roi et souffla la lampe. « Bonjour, mon compère, » dit Louis XI. « Nous fîmes hier une belle journée. Par l'intercession de Monseigneur Saint-Michel, nous continuerons aujourd'hui notre heureuse besogne. Que fait le duc ?»« Il boit, » répliqua maître Ledain. « Et le comte Otto Beringhem ?»« Il dort. » Le roi tendit ses joues que maître Ledain couvrit de mousse prestement. « Mon compère, » reprit Louis XI, « as-tu visité ces cachots non pareils qui furent creusés dans le roc vif, sous les fondements du monastère ? Penses-tu que le sorcier d'Allemagne, avec ses enchantements, puisse sortir de là s'il y était une fois enfermé ?» Maître Ledain repassa son rasoir sur la paume ouverte de sa main. « Sire, répliqua-t-il, ému encore de ce qu'il avait vu la veille en la greffe Saint-Sulpice, m'est avis que ce n'est point un bras humain qui put enlever le duc François revêtu de ses armes et le coucher comme si c'eût été un enfant sur le garrot d'un cheval. Il faut autre chose que des murailles de pierre pour tenir captif le comte Otto Beringhem. » Le rasoir grinça sur la barbe fauve et rude de Louis de Valois. Dans ses bons et robustes cachots, poursuivit-il, appliquant sans y prendre garde aux cages souterraines toutes sortes d'épithètes caressantes, il y a des bagues de fer bellement scellées. Si l'on rivait un collier bien éprouvé au cou d'un captif, le collier à une chaîne de convenable épaisseur, la chaîne à la bague, il me semble pourtant que le captif pourrait dire adieu à l'air libre et au soleil. Qu'il plaise à votre majesté de tendre son autre joue. Il me semble à moi que le souffle de ce maudit mordrait le fer comme une lime, et qu'une parole magique tombant de sa bouche ébranlerait le mont sur sa base. Que disent nos chevaliers ? Les chevaliers prononcent tout bas le mot sacrilège. Que ferais-tu, toi, à ma place, mon compère Olivier ? Le roi est rasé. Je laisserai dire les chevaliers, ou bien je donnerai ce compte au taux à la hache du maître Tristan. Louis XI joignit ses deux mains devant l'image d'or de Saint-Michel. « Puissant archange, s'écria-t-il, veuillez m'écouter à cette heure. Votre nom glorieux est engagé dans tout ceci, et vous êtes intéressé directement à l'honneur de l'ordre que je fonde sous votre souveraine invocation. Je me suis servi du païen pour avancer d'autant notre œuvre. Si le païen est soutenu par l'esprit du mal, me laisserez-vous sans défense contre lui ? Je vous prie, bienheureux archange, tournez vos regards vers moi et voyez la grande peine où je suis pour débarrasser votre ordre effrayé de cet immonde alliage qui veut introduire le démon. Secourez-moi si c'est votre plaisir, et je mettrai 100 écus d'or au tronc de votre basilique. Amen. Amen, répéta le daim qui revenait portant sur ses bras les diverses pièces du splendide costume de grand maître que le roi allait revêtir. Les cloches du mont sonnaient à toute volée. Le vent d'est apportait la réponse lointaine des carillons de la ville d'Avranches. C'était l'heure de la grand-messe. La marée était au plus bas. Littéralement, le sable des grèves disparaissait sous la foule compacte qui, de tous côtés, se dirigeait vers le mont Saint-Michel. Depuis le jour solennel où le duc fratricide, François Ier, était venu recevoir dans l'autel de la basilique inachevée la première punition de son forfait, 20 ans s'étaient écoulés. 20 ans bien employés, les galeries suspendues étendaient maintenant leurs lignes tout autour de l'église, et la voûte fermée jetait au-dessus de la nef son ogive hardie. Cependant, il restait encore à faire. Le chœur n'était point terminé, et les travaux qu'on avait repris quelques mois auparavant laissaient derrière l'autel d'une large ouverture. Pour la cérémonie, cette ouverture était close, à l'aide de châssis drapés de velours. Autant la journée de la veille avait été radieuse, autant ce jour était sombre. Le vent d'est amène la pluie au deuxième jour de marée. Le ciel se couvrait d'un voile épais, et depuis le matin c'était comme un déluge. Les tentures de la basilique avaient été calculées pour une journée d'août, pleine de soleil et de lumière. On avait jeté d'un pilier à l'autre, tout le long de la nef, de belles draperies d'un rouge sombre, rehaussées d'or, au centre desquels le collier de Saint-Michel était brodé en bosse. À la voûte, une toile d'azur se parsemait de lis d'or qui, à ce firmament, semblait des étoiles. Le cœur tendu de violet était semé de coquilles d'argent, laxées, comme disait le règlement édicté par le roi Louis en personne, laxées l'une avec l'autre d'un double luxe. Sur cette draperie, derrière l'autel, une broderie en relief plein, représentait l'archange debout sur son roc. Il n'y avait au maître-autel, le roi l'avait voulu ainsi, que le service ordinaire de cierge. La lumière devait tomber d'en haut. Dans tout le reste de la basilique, on ne voyait briller que les lampes sempiternelles suspendues devant les images de la Mère de Dieu. C'était comme une nuit. La nef énorme s'emplissait d'un solennel mystère. L'archevêque de Sens officiait, assistait des évêques d'Amiens et de Coutances. Au stade étaient, dans leurs costumes pontificaux, les archevêques de Reims et de Rouen, avec les évêques de Troyes, d'Autun et de Chartres, l'archiprêtre de Sainte-Geneviève de Paris, les abbés de Saint-Germain-des-Prés, de Citeaux, de Chaulny et d'Arvel-en-Grâce. L'abbé du monastère de Saint-Michel, 26e depuis la fondation, trônait entre ses deux prieurs, à droite de l'autel. Derrière les prélats se rangeait l'armée noire des prêtres et des moines. Les orgues à trois jeux, présents du roi Louis, qui ne savait comment combler son archange favori, jouaient pour la première fois, jetant leurs notes fortes et profondes aux murailles, qui tressaillaient à ces sons inconnus. Les chevaliers de Saint-Michel étaient au centre de la nef, n'ayant droit d'entrer au chœur qu'après la grand-messe d'ordination. Ils portaient le riche et beau costume que nous avons déjà décrit. Le roi se tenait en tête, coiffé du chaperon à cornettes. Derrière lui, les princes du sang, chevaliers, derrière les princes, les hauts barons, choisis pour concourir à la naissance de l'ordre. Les officiers drapés dans leurs longues robes de camelot de soie blanche, fourrés de menu vert et coiffés du chaperon écarlate, suivaient les chevaliers. Alentour se rangeaient les archers de la garde écossaise et un triple cercle d'hommes d'armes. Le reste de la nef appartenait aux gentilshommes conviés, aux échevins d'Avranches, aux dignitaires de toutes sortes. Les dames chargées d'atours emplissaient les galeries. Il n'y avait là, bien entendu, que des Françaises et Françaises. Le chœur restait presque vide dans la partie qui tournait à droite et à gauche de l'autel pour joindre l'abside. C'était la place marquée des chevaliers pour ouïr chanter vêpres. Leur siège les attendait. Au-dessus de chaque siège pendait au mur l'écusson du chevalier qui devait l'occuper. Au-dessus de l'écu, on voyait le haume et le timbre. Les statues le voulaient ainsi. Jusqu'à l'offertoire, ce fut le roi d'armes Montjoie qui se tint devant sa majesté. Après l'offertoire, Montjoie céda sa place au héros de l'ordre, Mont-Saint-Michel. Tout de suite après l'élévation, les orgues se turent et l'archevêque de Sens gagna sa stalle. Le roi dit « Je viens séant établir et fonder, si Dieu le veut, l'ordre de Monseigneur Saint-Michel. » Les choristes récitèrent sans psalmodier le Veni Sancte Spiritus. « Dieu veut ce qui est pour la défense de la très sainte Église », prononça l'archevêque de Sens en latin. Le roi reprit en français « Que le saint nom de Dieu soit béni maintenant et dans l'éternité ». Il se tourna vers les princes du sang qui étaient derrière lui. Le duc de Guyenne, frère du roi, fit un pas en avant. Il tenait ses lettres à la main. « Monseigneur, dit-il à haute voix, les princes du sang n'employaient pas le mot « sire ». J'ai vu vos lettres, comment de la grâce de vous et des très honorables frères et compagnons de digne et honorable ordre de Monseigneur Saint-Michel, j'ai été élu à y celui ordre et compagnie aimable dont je me tiens très grandement honoré, lequel j'ai révèrement et agréablement reçu et accepté, et vous en remercie tant et le plus que faire puis, et me présente et offre près d'obtempérer, obéir et faire, touchant y celui ordre, tout ce que je pourrais et devrais. Le roi lui répondit, tenant à la main les statues pour se rafraîchir la mémoire, car c'étaient là des formules de rigueur. Nous et nos frères et compagnons de l'ordre, pour la renommée que nous avons ouï de vous et de vos grands biens, que y persévérez et les augmenterez à l'honneur de l'ordre, et recommandations et louanges de vous, vous avons élu à être perpétuellement, si Dieu plaît, frères et compagnons dit celui ordre et aimable compagnie, par quoi avez à faire les serments qui s'ensuivent. C'est à savoir que, à votre loyal pouvoir, vous aiderez à garder, soutenir et défendre les hautesses et droits de la couronne et majesté royale, et l'autorité du souverain de l'ordre et des successeurs souverains, tant que vous vivrez et serez dissolui. Item, tout votre pouvoir emploierez à tenir le dit ordre en état et honneur, et mettrez peine de l'augmenter, sans le souffrir d'échoir, ni amoindrir, tant que vous y pourrez remédier et pouvoir, item, s'il advenait, que Dieu ne veuille, que en vous fût trouvée aucune faute, par quoi, selon les coutumes de l'ordre, en fussiez privé, sommé et requis de rendre le dit collier, en ce cas, le renverriez au dit souverain ou trésorier de l'ordre, sans jamais, après la dite sommation, porter le dit collier, et toute peine, corrections et punitions, que pour autre moindre cas vous pourrez être enjointes et ordonnées, porterez et accomplirez patiemment sans avoir peur ni à l'occasion des dites choses, haine, malveillance ni rancune envers les souverains, frères, compagnons et officiers du dit ordre. Item que vous viendrez et comparaîtrez au chapitre, conventions et assemblées de l'ordre, où on verrait selon les statuts et ordonnances du dit ordre, et où souverain et à ses commis obéirez en toutes choses, et de votre loyal pouvoir accomplirez tous les statuts, points, ordonnances, articles de l'ordre, que vous avez vu par écrit, et oui lire, et les promettez et jurez en général, tout ainsi que si particulièrement et sur chacun point, en aviez fait serment spécial. » Le roi avait beaucoup travaillé cette formule de serment. Il ne faut point dire qu'elle contient nombre de répétitions ni de longueurs. C'était là l'enveloppe insipide et neutre qui permet d'avaler la pilule amère. Il faut avouer tout unimement que c'était un chef-d'œuvre de politique. Quiconque acceptait cette chaîne dorée se sentait aussitôt bel et bien garrotté des bras, du cœur et de l'intelligence. Le héros Mont-Saint-Michel présenta au roi l'évangile ouvert et la croix. Le roi jura comme grand maître et souverain. Le duc de Guyenne jura aux mains du roi, le duc de Bourbon fit de même. C'était au tour de François, duc de Bretagne, qui, une fois prisonnier, avait dû subir la volonté royale. Dès le soir précédent, François avait accepté l'ordre de Saint-Michel. Il s'était tenu durant toute la messe sur le même rang que les ducs de Guyenne et de Bourbon. Entre la garde écossaise et lui, des hommes d'armes, à visière demi-baissée, s'étaient glissés peu à peu et par un mouvement insensible. Le jour était si sombre qu'on voyait à peine les visages de ceux qui portaient des chaperons. Sous le casque, les traits se perdaient complètement dans l'ombre. Mont-Saint-Michel, le héros, appela le nom du duc François de Bretagne. Personne ne répondit. Le duc ne bougea pas. Dans le silence qui suivit l'appel, on put remarquer un mouvement lent et continu parmi la foule compacte qui emplissait le bras de la nef. Un large vide s'était fait derrière le duc de Bretagne. Il était là, le fait est certain. Louis XI, le voyant à sa place, revêtu du costume d'apparat, ne prenait point souci des mouvements qui pouvaient avoir lieu dans la nef, et ne s'inquiétait guère de la répugnance manifestée par son très cher frère et bien-aimé cousin. Parfois, dans les mariages forcés, la pauvre épousée ne dit pas oui tout de suite. François était dans la position d'une fillette traînée à l'autel par contrainte. Le roi riait dans son rabat et se disait « Mon bel ami, tu boiras pourtant cette rasade !» Mont-Saint-Michel appela pour la seconde fois le nom de François de Bretagne. Même silence de la part du récipiendaire et même immobilité. « Mon aimé cousin, dit le roi doucement, n'avez-vous point entendu ?» Point de réponse encore. Le roi, qui donnait à son visage une expression de paternelle mansuétude, fit un soubresaut tout à coup violemment. Prélats, princes, abbés, moines et chevaliers prêtèrent l'oreille. Un cliquetis de fer se faisait du côté de la porte principale. « Alarme ! » crièrent les archers de garde. C'était comme le bruit d'une lutte à l'autre extrémité de la basilique. Un chœur de voix mâle poussa ce cri « Bretagne Malo, le riche duc est libre !» Puis les deux battants de la porte se fermèrent avec fracas. Au dehors, quelques coups d'arquebuse retentirent. Parmi l'agitation sourde qui régnait maintenant dans la nef, François de Bretagne, ou du moins l'homme qui portait son costume de chevalier, marcha vers le roi. Le roi était vert, ses lèvres tremblaient. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix altérée au milieu du silence soudainement rétabli. L'homme dégagea sa main droite, perdue dans le manteau doublé d'hermine, et un gantelet de fer vint tomber aux pieds du roi. En même temps, l'homme releva son chaperon et découvrit le beau visage de l'écuyer Jeannin, calme et doux comme une tête de martyr. « Louis de Valois, prononça-t-il lentement, le duc, monseigneur, te défie. « Qu'on aille quérir, maître l'ermite, mon prévôt, dit le roi qui repoussa du pied le gantelet avec dédain. L'homme, ajouta-t-il, voici la dernière fois que tu joues ton rôle de duc. « J'ai fait selon la volonté de mon maître, » répliqua Jeannin sans s'émouvoir. « Il adviendra de moi selon la volonté de Dieu. » Fin de la section 9.